إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 98 dans l'explication du Kitab al-Tawhid et on entre dans le chapitre 36 aujourd'hui, al-Bab al-Sadis wa al-Thalathoun. Le titre de ce chapitre c'est Babun Maja al-Riya, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit au sujet de al-Riya, c'est-à-dire les actes d'ostentation ou de, le fait de faire des actions dans le but de se faire voir et on va expliquer donc qu'est-ce qui a rapport à ce sujet-là. Et pourquoi ça a été mentionné, dans, ou pourquoi ça a été mis dans le Kitab al-Tawhid, un chapitre pareil. Cheikh dit, qala al-Sheikh rahimahullah, babun ma ja'a fi al-riya. Ma ja'a fihi min al-wa'idi, wa bayani annahu al-shirk yuhbitu al-amal al-lazi khalatahu. Wa munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid anna fihi bayan naw'in min anwa' al-shirk al-asghar wa dhalika anna kitab al-tawhid sannafahu al-shaykh rahimahullah fi bayan al-tawhid wa bayan ma yudadduhu min al-shirk al-akbar wa ma yunaqqisuhu min al-shirk al-asghar wa lamma kana al-shirk 'ala naw'ayn shirk dhahir wa shirk khafi fa-shirk dhahir huwa ma yakunu fi al-a'mal adh-dhahira kal-ladhi yasbahu lillah أو ينظر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي يراه الناس ويسمعونه. Donc le Cheikh il dit que premièrement l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit le chapitre de qu'est-ce qui est venu ou qu'est-ce qui a été dit au sujet de Ar-Riya, c'est-à-dire des actions qui sont faites par ostentation, et on appelle ça en arabe Ar-Riya. Et il y a, c'est-à-dire qu'il y a eu des menaces qui ont été faites à ce sujet-là, dans le Coran et dans la Sunna. Et l'explication de, yani que c'est une forme de shirk. C'est-à-dire, quand tu fais une action dans le but de te faire glorifier par les gens, c'est une forme de shirk qui détruit l'action, dans laquelle, il y a eu un mélange de riya avec l'intention dans l'action que tu as fait, il y a eu un mélange de riya dedans avec ton intention, c'est-à-dire l'action tu l'as pas fait purement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu l'as fait pour te faire voir ou pour te faire glorifier. Donc lorsque tu fais une action et que dans ton intention il y a un mélange et ton action elle n'est pas pure uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, une des conséquences que ça va avoir sur ton action, ça va faire en sorte que ton action va être annulée, que Allah va pas te récompenser du tout pour cette action-là sera détruite. Donc le fruit de cette action-là est nul. Et le cheikh il explique, il dit que la raison pourquoi ce chapitre-là a été placé dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que c'est une des formes parmi les formes de shirk mineur. Al-Riya, c'est une des formes parmi les formes de shirk mineur. Et yani, le cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dans ce livre, il clarifie le tawhid et il explique tout ce qui s'oppose au tawhid, non seulement dans les formes de shirk majeur, mais également il explique les formes de shirk mineur et les choses qui peuvent détruire le tawhid ou s'opposer au tawhid, hein, parmi les formes de shirk majeur, et également ce qui diminue ou affaiblisse le tawhid parmi les formes de shirk mineur. Ensuite, il dit, étant donné, et également, on a expliqué que le shirk, il est de deux catégories. Il y a le shirk qui est apparent et le shirk qui est caché. Le shirk qui est apparent, c'est le shirk qui est fait par des actions apparentes et extérieures. Comme par exemple, la personne qui égorge un animal pour autre que Allah, ou qui sacrifie, ou qui fait un serment pour autre que Allah, comme par exemple, qui fait un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui cherche refuge en autre que Allah lors d'un malheur ou d'une détresse. Donc tout ça, c'est des formes de shirk majeur, parce que les gens les voient, ces actions-là, et ils les entendent. Donc c'est des formes de shirk apparentes. Shirk majeur, apparent. Et il y a une autre catégorie de shirk qui est cachée, le shirk al-khafi. Le shirk il dit, « Maintenant, le tani, fahuwa shirk al-khafi, fahadha la yarahu al-nas, wala ya'lamunahu, li'annahu fil qulub. فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة والشرك الثاني والشرك فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة وهذا في النيات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله ولهذا عقد له الشيخ رحمه الله هذا الباب Donc, le cheikh dit que tout ce qui est dit de la shirk, c'est de la shirk al-zahir. Et pour cela, il dit l'allama ibn al-Qayyim, rahimahullah, fa shirk wa shirk. Alhamdulillah. Le cheikh dit والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل غفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان فمحبة الأصنام فعبادة الأصنام وعبادة الأضرحة وعبادة الأشجار والأحجار كل هذا شرك ظاهر. Donc le cheikh nous dit la deuxième forme de shirk, c'est le shirk qui est caché, parce que les gens ils voient pas cette forme de shirk là et ils ne savent pas parce que c'est dans le cœur. Shirk caché, les gens peuvent pas le voir, ils peuvent pas le savoir parce que c'est dans le cœur. Et la première catégorie de shirk qu'on a mentionné, c'est le shirk qui est apparent. Et ce shirk-là, le deuxième qui est caché, c'est le shirk dans les intentions et dans les buts et les objectifs de tes actions, et ça c'est dans le cœur. Et donc, personne ne connaît ces choses-là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, arriya, ou le fait de vouloir faire des actions pour se faire glorifier par les gens, ça c'est quelque chose qui est caché et c'est dans le cœur. Et c'est pour ça que le cheikh en a parlé dans ce chapitre-là, parce que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec le tawhid. Et tout ce qu'on a mentionné dans le kitab al-tawhid jusqu'à maintenant, depuis le début jusqu'à maintenant, tout ce qui a précédé dans le kitab al-tawhid faisait en grande partie, ça faisait partie du shirk mal, du shirk apparent. D'accord? Et c'est pour ça que le cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que, dans son poème, il dit que le shirk, fais attention, hein, fais-y attention, prends garde au shirk. Fahdarhu. Fashirkun zahirun. Parce que, il y a le shirk qui est apparent. Et ça, c'est une catégorie qui ne peut pas être pardonnée. D'al-qism, laïsa biqabil al-ghufran. C'est-à-dire, il peut pas être pardonné. Ok? Et c'est de prendre des égaux avec Ar-Rahman. Peu importe qu'est-ce que tu prends, hein. Wa huwa ittikhadhu an-nidd lir-Rahmani ayyan kana min hajarin wa min insan. Peu importe qu'est-ce que tu prends comme égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une pierre, que ce soit un être humain ou autre. C'est ça le shirk apparent. Et il dit, tu l'invoques, ou tu mets ton espoir en lui, ou bien tu le crées, puis tu le crées, et tu l'aimes comme on aime Ad-Dayyan, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est que ça là, ça c'est le shirk apparent. Donc c'est ça, c'est la description du shirk apparent dans An-Nuniyya de l'imam Ibn Qayyim. Il explique qu'est-ce que c'est. Maintenant, il explique que l'adoration des idoles, l'adoration des tombes, l'adoration des arbres, l'adoration des pierres, tout ça fait partie du shirk apparent. أما الرياء فإنه شرك خفي لأنه في المقاصد والنيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والرياء مأخوذ من الرؤية وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه أو لغير ذلك من المقاصد ولهذا يسمى رياء لأنه يقصد رؤية الناس له والفرق بين الرؤيا والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال التي ظاهرها لله وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة أما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها لغير الله كالقراءة والذكر والوعد وغير ذلك من الأقوال وقصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه فيثنو عليه ويقول هذا جيد في الكلام جيد في المحاورة جيد في الخطبة إنه حسن الصوت في القرآن إذا كان يحسن صوته بالقرآن لأجل ذلك فإذا كان يلقي المحاورات والندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس فهذا سمعة. Le cheikh explique, il dit donc, que en ce qui concerne toutefois Ar-Riya, ça c'est une forme de shirk qui est cachée. Parce que cette forme de shirk-là, elle est dans les objectifs d'une personne et dans ses intentions. Et il n'y a personne qui sait, qui la connaît, cette intention-là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk qui est caché, dans le shirk dans l'intention, personne ne peut le voir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut savoir quand tu fais ta salat, est-ce que tu la fais juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu es en train de la faire pour que les gens te regardent et que les gens te glorifient. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le shirk caché. Tu le fais, c'est que tu fais une action, et que, en fait, le shirk dit que le mot riya, ça vient de ru'ya, ça veut dire la vue. Okay? Et donc, tu fais une action et tu l'embellis et tu la fais bien pour que les gens te voient et te glorifient et disent du bien de toi, fassent ton éloge, ou pour d'autres objectifs de ce genre. Et ça, c'est ce qu'on appelle riya, hein, pour que les gens te voient. Donc, la différence, il y a aussi un autre terme qu'on utilise parfois, c'est as-sum'a. Ar-ru'ya, c'est pour la vue, qu'est-ce qu'on voit. As-sum'a, c'est pour ce qu'on entend, ça vient de sam'a. Qu'est-ce qu'on entend? Et ça, c'est que tu dises des paroles, ou que tu fasses tu dises des paroles, ou que tu fasses des choses qui se font avec la parole, et qu'on entend, et tu le fais dans le but que les gens te glorifient. Et donc, il dit, par exemple, la différence entre Ar-Ru'ya et As-Sum'a, disons, on peut dire l'ostentation par la vue et l'ostentation par l'ouïe, hein, qu'est-ce qui se voit et qu'est-ce qui s'entend. La différence entre les deux, ben, c'est justement dans les actions qu'on fait en apparence, qui sont pour Allah, mais qui sont en réalité pour autre que lui. Hein. En apparence, on voit quelqu'un faire la salat ou la sadaqa, on s'imagine que c'est pour Allah, alors que la personne le fait pour autre que Allah. Et as-sum'a, c'est quand quelqu'un fait entendre aux gens des paroles qui sont en apparence pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'intention derrière est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et il donne des exemples. Comme par exemple, le fait de lire un livre, ou de faire le zikr, ou de faire des exhortations, tu rappelles aux gens le bien, tu leur parles de Allah, tu leur fais peur à propos de l'au-delà, des choses comme ça, tu dis des belles paroles. Et tu fais ça dans quel but? Dans le but que les gens entendent ta parole et commencent à faire ton éloge et dire « Ah, comment il parle bien, il est bon dans le débat, il est bon dans les discours, il a une belle voix quand il récite le Coran. » Et si la personne, elle embellit sa voix en lisant le Coran uniquement pour que les gens disent de sa voix qu'elle est belle et qu'il récite bien, Alors, dans ce cas-là, bien entendu, ça s'appelle sum'a, et c'est une forme d'ostentation qui annule la valeur de tes actions. Ou bien quelqu'un qui donne des cours, ou qui donne des conférences, ou qui fait des trucs qui ont rapport avec la parole comme ça, de dire des choses sur l'islam, de parler de l'islam, et puis il fait ça dans le but de recevoir la glorification des gens. Donc tout ça c'est des formes de riya, où ça rentre dans cette catégorie-là. Après le cheikh il dit que ar-riya ala qismain, il dit que ar-riya il a deux catégories. القسم الأول شرك أكبر وهو إذا قصد الإنسان بجميع أعماله مراءة الناس ولا يقصد وجه الله أبدا وإنما يقصد العيش مع المسلمين وحقن دمه وحفظ ماله فهذا رياء المنافقين وهو شرك أكبر قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهذا لا يصدر من مؤمن. Le cheikh dit que la première catégorie, la première de catégorie de ria, on peut dire que un ria se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est un ria qui est une forme de shirk majeur. L'ostentation qui est une forme de shirk majeur, et il y a Al-Riya qui est une forme de shirk mineur, et on va voir la différence entre les deux. Le shirk il dit que la première catégorie qui est une forme de shirk majeur, c'est lorsque l'être humain, quand il fait toutes ses actions en entier pour rendre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toutes les adorations qu'il fait et les actions de bien qu'il fait, c'est pour rendre Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait uniquement pour pouvoir vivre avec les musulmans et pour pouvoir protéger sa vie et ses biens, et pour pouvoir profiter du bienfait ou de l'avantage d'être parmi les musulmans, de se marier avec les musulmans, avec une musulmane, et de faire du commerce, et de vivre parmi les musulmans, comme si rien n'était, hein. Comme par exemple des gens qui vivent parmi les musulmans, et qui disent, comme si dans leur cœur, ils croient pas vraiment à l'islam. Dans son cœur, par exemple, dans son cœur, il va dire, non, moi je crois pas en l'islam. Mais, je vais pas le dire. Parce que si je le dis, on va pas me permettre de me marier, on va pas me donner un bon poste, on va pas me faire ci, faire ça, hein, surtout quelqu'un qui vit dans un pays musulman et qui est d'une famille musulmane et puis qui rejette la foi et puis qui le cache dans son cœur. Il cache sa mécréance aux gens. Il veut pas leur admettre qu'il croit pas en l'islam parce que justement il a peur de perdre certains privilèges et certains avantages, alors il reste dans l'hypocrisie. Et il montre qu'il est musulman aux gens, alors que dans son cœur il ne croit pas en l'islam. Ça c'est une forme de riya majeur, ok, ou de shirk majeur, ou une forme de riya qui rentre dans le shirk majeur. Parce que tout ce que la personne fait dans sa vie est uniquement pour autre que Allah et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala du tout. Et donc le shaykh il mentionne le verset 142 dans surat An-Nisa, et c'est le verset qui dit que les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, ils cherchent à tromper Allah, et en réalité c'est Allah qui les trompe. Et lorsqu'ils tombent, hein, c'est-à-dire qu'ils cherchent à tromper Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala les punit en les trompant à son tour. Hein, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent paresseusement, et par ostentation pour se faire voir. Et ils ne se rappellent d'Allah qu'un peu. Donc, ça c'est leur description à ces gens-là. Et le cheikh il dit que ça n'arrive pas de la part d'un vrai croyant. C'est cette catégorie-là, c'est pas de la part d'un vrai croyant que ça arrive. La deuxième catégorie de shirk, ou bien de shirk caché, ou de riya, c'est la deuxième que le cheikh a mentionné. Al-Qism al-Thani, قد يصدر من مؤمن ويكون في بعض الأعمال وهو أن يعمل فيه وهو أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصد لغير الله وهذا الشرك الأصغر. هذا هو الشرك الأصغر. وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات. donc le cheikh il dit que la deuxième catégorie de shirk, ou bien de shirk caché, la deuxième catégorie de shirk qui est caché, donc de riya, c'est qu'est-ce qui arrive de la part d'un croyant. Ça peut arriver de la part d'un croyant, et c'est pas dans toutes les actions par contre, c'est uniquement dans certaines actions. C'est-à-dire que c'est une action qui est partagée dans son intention. L'intention de la personne qui fait cette action-là, elle n'est pas uniquement pour plaire à Allah, elle est pour plaire à Allah, puis pour en même temps être recevoir des glorifications de la part des gens, pour autre qu'Allah. Donc ça c'est une forme de shirk qu'on appelle shirk mineur, shirk asrar. Et cette catégorie-là, elle a trois états, ou trois, disons, possibilités dans les différentes situations où elles peuvent se produire, d'accord. La première état, ou la première situation, al-halatul oula, إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإن هذا عمل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن صلى وهو يحب أن يمدح أو يثني عليه وأن يثنى عليه واستمر معه الرياء إلى آخر صلاته فهذا لا تقبل منه صلاته بدليل الحديث الآتي. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل له ثم يطرأ عليه الرياء، فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه وأخلص العمل لله فإنه لا يضر صاحبه قولا واحدا، لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء ثم دفعه وأخلص العمل لله فإنه لا يضر صاحبه قولا واحدا. اوكي كما نادي وعاد الى الاخلاص فهذا لا يضره، ثم دفعه واخلص العمل لله وعاد الى الاخلاص فهذا لا يضره. والحاله الثالثه ان يطرأ في اثناء العمل ويستمر معه فهذا موضع خلاف بين اهل العلم، ومنهم من قال إنه يحبط العمل كالنوع الأول، ومنهم من قال إنه يثاب على قدر نيته في هذا العمل، وهذا هو التفصيل وذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. Donc le cheikh dit que la deuxième catégorie de shirk qui est cachée, c'est elle est divisée en trois états ou en trois situations. Ok? Donc, le shirk qui est caché, il peut avoir trois états. La première état, c'est lorsque une personne, elle fait une action, puis depuis son début, il a une intention de faire cette action-là pour autre que Allah depuis le début. D'accord? Et il persiste dans cette intention-là tout au long de son action. Donc en commençant, il a l'intention de plaire à autre que Allah et de faire l'action pour se faire voir et de se faire glorifier depuis le début, en partant. Puis il continue là-dessus, avec cette intention-là, tout au long de son action, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il termine. Cette action-là, elle est rejetée, elle ne sera pas du tout acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque fait la salat pour Allah subhanahu wa ta'ala et il aime se faire glorifier et se faire des éloges, et qu'il continue tout au long de sa prière comme ça jusqu'à la fin, eh ben cette prière-là ne sera pas acceptée de sa part. Et la preuve de ça, c'est le hadith qu'on va mentionner plus tard, c'est-à-dire le hadith qui dit « Quiconque associe avec moi quelque chose dans son action, eh ben je l'abandonne ainsi que la chose avec laquelle il m'a associé dans son action. » Et ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Inch'Allah. Après, le cheikh, il dit la deuxième état, par rapport à l'action, c'est l'action d'une personne qui, à la base, fait une action pour Allah seul. À la base, quand il commence son action, il la fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis, durant l'action elle-même, il commence à avoir un peu de riya dedans. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de faire sa salat, par exemple, eh ben, il remarque que des gens sont en train de le regarder, puis ils sont en train de parler de lui, en bien. Donc, à ce moment-là, il rentre un petit peu de riya dans son cœur. Puis, il réalise ça, il le repousse. Il repousse cette ria et il essaie de s'en débarrasser, de l'éliminer de son cœur, puis il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il purifie son action pour Allah seul. Alors le cheikh il dit que dans ce cas-là, cette ria qui est apparue en lui durant qu'il faisait son action, ça ne lui nuit en rien. Et ça ne va pas affecter son action du tout. Inch'Allah, parce que à la base, son action était pour Allah, et il y a un peu de ria qui est venu, puis il a repoussé et il a purifié son action pour Allah seul, et il est revenu à la sincérité. Et donc, dans ce cas-là, ça ne va pas le nuire, ça va pas lui nuire. La troisième état, c'est l'état de quelqu'un qui, pendant qu'il était en train de faire son action, au début il le fait pour Allah seul, puis il est en train de faire son action, il y a un peu de ria qui rentre dedans, puis il continue avec le ria, il n'essaie pas de le repousser. Eh ben, dans un cas pareil, il y a eu divergence entre les savants. Certains savants ont dit que ça annule l'action au complet, comme le premier état, comme la première situation qu'on a mentionnée. Et il y en a d'autres savants qui ont dit non. Et étant donné que il a commencé son action pour Allah, donc il sera récompensé selon la proportion ou la quantité de sincérité qu'il avait dans son action au début de son action, puis il sera le reste de son action qui n'était pas pour Allah seul, elle sera rejetée. Et ça c'est, comme on a dit, divergence entre les savants, et c'est cette définition-là plus détaillée, ou cette explication-là a été mentionnée par le cheikh Ibn Rajab dans le charh qu'il a fait de Al-Arba'un Al-Nawawiya, hein, dans son livre, comment ça s'appelle, Jami' Al-Uloum Wal-Hikam. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec Ar-Riya et la définition et les règles et les différentes conditions. Puis il y a un petit point à ce sujet-là dont je voulais parler, parce que j'écoutais un des islamistes qui fait souvent des conférences sur l'islam, et souvent il parle de ce sujet, Ar-Riya. Donc la façon dont il en parle, il dit des choses au sujet de Ria qui sont incorrectes, ok? Parce que lui, d'après ce que j'ai remarqué, souvent il parle de sujets comme par exemple le voile, la mixité, le fait de ne pas se mélanger avec les femmes. Lui, au contraire, lui, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit dans le voile, c'est une obligation, mais il ne faut pas l'imposer, la femme elle est libre, elle fait qu'est-ce que... elle va à son rythme, il ne faut pas dire qu'une femme qui ne porte pas le voile, elle n'est pas une bonne musulmane, hein. Et qu'une femme qui le porte est une meilleure musulmane, etc. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, des fois, il y a des hommes et des hommes musulmans, ils ne veulent pas regarder les sœurs, ils ne veulent pas regarder les sœurs musulmanes. Et ils ne veulent pas parler avec les sœurs musulmanes. Et ils ne veulent pas se mélanger, soi-disant, et tout. Et il dit, lui, que tout ça, c'est une mise en scène. Hein? Et chaque fois qu'il parle de quelque chose qui a rapport avec les musulmans qui veulent pas, par exemple, avoir des contacts avec les femmes, lui, automatiquement, il interprète ça comme étant une mise en scène, d'accord? Ben, il essaie d'interpréter ça comme si c'est une mise en scène et que c'est pas sincère, parce que il dit quoi? Il dit, pourquoi il y a des musulmans, devant les musulmans, ils montrent qu'ils sont pieux, puis qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont corrects et tout, et quand ils sont seuls, ils font tout ce qu'ils veulent, ils font plein de péchés et tout, ça dérange pas. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? C'est que quand t'es en privé, fais pas de péché, toi, un bon musulman, comme tu veux le montrer quand t'es en public, mais en public, fais ce que tu veux. Et tu peux contredire l'islam, te mélanger avec les sœurs, parler avec elle, les regarder droit dans les yeux et des trucs de ce genre. Il ne dit pas comme ça, mais c'est comme si toute attitude qui montrerait que quelqu'un a une certaine, il y a une, disons, limite par rapport avec la relation qu'il a avec les femmes et tout, ça ce serait comme par exemple une mise en scène. Et qu'est-ce qui lui dit que c'est une mise en scène? Et qu'est-ce qui lui dit que cette personne-là, qu'elle s'éloigne vraiment de la fitna et de la tentation, et que lorsqu'elle est en privé, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle le fait en public. Et pourquoi interpréter ou donner aux gens du premier coup cette mauvaise intention-là et de douter de leur sincérité quand ils sont tout seuls, hein? Au contraire, la façon dont la personne devrait clarifier et expliquer cette situation-là, c'est que si tu montres devant les musulmans et devant les frères que tu es un bon croyant et que tu t'éloignes du haram et que tu fais des efforts pour t'éloigner de la fitna et de la tentation en public, alors de les encourager à en faire autant en privé et de les encourager à purifier leurs intentions et leurs actions envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Mais de là à aller puis de dire aux croyants, par exemple, aux musulmans, écoute, tu parles pas avec les femmes, puis quand tu vois une femme musulmane, il dit, tu parles avec les non-musulmanes comme si rien n'était, puis quand tu parles avec une musulmane, là tout d'un coup, ah non, je peux pas lui parler, c'est une musulmane, il faut que je sois pieux. Il dit, non, parle à ta sœur, hein, parle à ta sœur. Donc tu te dis, ben subhanallah, ça y est, parce que tu fais le haram avec une non-musulmane, donc pourquoi tu le ferais pas avec une musulmane aussi? C'est absurde, tu vois. Donc tout ça pour lui, ça c'est une mise en scène. Et il dit que on est une communauté schizophrène. Hein? Ouais, on est une communauté schizophrène. C'est pas avec Ramadan, bien entendu, comme vous. Ouais, c'est une communauté schizophrène, hein, qui a deux doublements, peut-être même plus que ça encore, de personnalité, hein, qui agit différemment selon les gens, avec les gens ou avec les personnes, hein. Ouais. Dans une conférence, il dit, il dit, par exemple, il y a un frère, ça fait 5 ans que tu travailles avec lui dans la da'wah, et puis toute la République a vu sa femme, mais toi tu peux pas voir sa femme. Mais pourquoi je peux pas voir sa femme? Il dit tu ne fais pas confiance, hein, ça fait 5 ans que je travaille dans le da'wah avec toi, pourquoi je peux pas voir ça? Mais donc quand on entend ça, on se dit en soi-même, on dit mais subhanallah. Et après, il essaie de justifier et de supporter ça par soi-disant parce que, supposément, il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait et que les sahaba l'auraient fait. Donc c'est pour vous dire, des gens comme ça, c'est des gens qui sont en train de, en fait, soi-disant, parler contre Ria, d'essayer d'enseigner aux musulmans le danger du Ria, puis en même temps, ils sont en train de dire, bah, écoutez, faites-le en public comme vous le faites en privé, comme si, ou bien soyez bon en privé quand vous êtes tout seul, mais devant les gens, vous n'avez pas à montrer du tout que vous êtes religieux. Et faites comme si rien n'était. Agissez comme vous voulez, en public. Non, mais c'est pour dire que d'avoir la sincérité dans ses actions, ça doit pas c'est-à-dire la crainte du RIA, la peur de faire le RIA, doit pas t'empêcher de faire le bien. Tu comprends? Comme si par exemple, tu ne vas pas dire, ah, je ne vais pas faire une bonne action devant les gens, parce que sinon les gens vont penser que je ne suis pas sincère, ou peut-être que les gens vont penser que je peux me montrer bon. Et là, tu refuses de faire le bien par crainte de l'ostentation. Et ça, en soi-même, même les ulama ont dit, d'abandonner une bonne action par crainte de l'ostentation, c'est une forme d'ostentation aussi. Ça rentre dans l'ostentation aussi. Donc, il y en a qui disaient, si tu commences à faire une bonne action, puis tu sens que tu veux diminuer la qualité de ton adoration ou raccourcir ta prière parce que justement tu as peur de faire le ria, rallonge ta prière et améliore encore ta prière pour justement faire en sorte que ta prière soit pour repousser cette idée-là du shaitan qui veut te mettre des doutes dans la sincérité, dans l'intention que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est ça. C'est que si tu montres aux gens, soi-disant, parce que toi tu le fais pas pour montrer, eux ils savent, personne ne peut savoir que ton intention c'est pourquoi? Parce que ton intention c'est dans ton cœur. Donc si tu portes la barbe et le qamis, hein, et que tu t'habilles d'une façon qui est en accord avec la sunna et qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui respecte les règles de la charia, donc si tu t'habilles comme ça et que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton intention elle est dans ton cœur. Si tu le fais pas pour Allah, c'est Allah qui le sait et c'est Allah qui va te punir pour ça. Mais si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut venir te dire que toi tu le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut voir dans ton cœur. Et il y en a qui pensent, comme le frère Mokhtar dit, que si tu montres justement que tu suis la sunna et que tu respectes les apparences islamiques dans ta façon d'être et dans ta façon de t'habiller, que pour eux, automatiquement c'est une forme d'ostentation. On n'a pas besoin de montrer qu'on est musulman. On n'a pas besoin de montrer qu'on porte la barbe et qu'on prie et des trucs comme ça. Ça c'est ria. Hein. Pour eux, ça c'est tout comme si c'est une forme de ria. Et c'est un petit peu ça que on dirait que l'autre il raconte là dans ses conférences parfois, en voulant dire que faut pas trop montrer qu'on est religieux parce que sinon ça devient de l'ostentation, ça devient comme une mise en scène. Donc il faut pas montrer du tout soi-disant qu'on est religieux à l'extérieur. Mais garder ça juste quand on est tout seul, hein, et quand on prie, et quand on est dans l'intimité avec Dieu, soi-disant qu'on prie avec entre nous et Dieu, qu'il n'y a personne qui nous voit. Et l'islam, non. L'islam, c'est quand on est seul et quand on est avec les autres, on doit l'exprimer et le montrer clairement, hein, comme Allah nous l'a ordonné. D'accord? Et la même chose pour le voile, les femmes qui portent le hijab et tout. Il y a des femmes qui portent pas le voile, il y a des hommes qui se rasent et tout, qui portent les jeans et des trucs, ils disent, non, moi j'ai pas besoin de montrer ma religion aux gens, j'ai pas besoin de montrer que je suis religieux et tout, la religion c'est dans le cœur, hein, la religion c'est dans le cœur, la religion c'est dans l'intention, la sincérité, et c'est pas dans l'apparence que tu montres aux gens. Parce que soi-disant, il y en a qui sont religieux et qui montrent une bonne apparence et qui montrent leur barbe et leur djilbab et leur hijab et leur sitar et leur niqab et qui font des péchés et qui font des choses interdites et qui font des trucs haram, hein. Et ça me fait penser à l'exemple d'un frère qui disait, qui racontait une fois. Il disait, une fois j'étais dans un pays musulman et qu'il y avait un article dans le journal qui disait par exemple il y a des barbus qui ont fait telle ou telle chose parmi les choses haram, un vol ou un crime ou des trucs comme ça, et ils ont spécifié c'est des barbus. Alors un des proches de ce frère qui aime pas justement les musulmans qui ont la barbe et tout, il dit, ah, vous voyez, les barbus, qu'est-ce qu'ils font, hein? Alors, il essaie de dire, comme par exemple, je préfère pas avoir de barbe, justement, pour pas que les gens vont, par la suite, prendre une mauvaise image, hein, de celui qui pratique la religion, puis qui fait des choses haram. Alors, l'autre lui a répondu, le frère lui a répondu, il lui a dit, regarde, est-ce que quand quelqu'un qui n'a pas la barbe, est-ce qu'on dit dans le journal, un rasé a fait telle ou telle chose, hein? Parce que si tu calcules les péchés et les crimes qui sont faits par les rasés, c'est bien plus que les crimes et les péchés qui sont faits par les barbus, hein? Mais on le mentionne pas, justement, parce que justement, on n'essaie pas de les stigmatiser ou de les cibler en particulier, tu vois, pour essayer de montrer que ce sont eux le problème, et ce sont eux qui font du tort, et ce sont eux qui font du mal. Ah bon, tu vois, c'est ça. Donc, alhamdoulilah, c'est pour dire que le fait que quelqu'un, par exemple, pratique porte le voile, une femme porte le voile, ou un homme qui porte la barbe et le qamis, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Et ça ne veut pas dire il est sans péché, parce que tout le monde fait des péchés, tout le monde a des péchés, mais ceux qui se rasent et qui ne pratiquent pas la sunna, et les femmes qui ne portent pas le djilbab et le hijab et qui marchent à moitié nu comme les autres dans la rue, eux ils s'imaginent que le fait qu'ils ne montrent pas qu'ils ont un lien très proche avec la religion dans leurs apparences, ils pensent que ça leur permet de faire tout ce qui est haram, et qu'ils n'ont pas de compte à rendre et qu'ils peuvent avoir la conscience en paix vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis des gens qui sont dans la rue, en voulant dire « Ah, moi, je peux faire ce qui est haram, ça ne dérange pas parce que je n'ai pas une apparence religieuse. Hein ?» Et ils disent, par exemple, ils disent souvent aussi « L'habit, c'est pas le moine. Hein ?» Et en fait, l'habit, c'est le moine. Hein, c'est par l'habit, comme tu dis, c'est, ah oui, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Si, si un moine ne porte pas l'habit, comment tu vas savoir qui est moine? Hein? Tu ne vas jamais savoir qui est moine non plus. Donc, c'est l'exemple que je donne. C'est pour dire que il faut avoir l'habit et le comportement qui vient avec. D'accord? Et c'est pas parce que tu n'as pas le comportement qui vient avec que tu dis, bon, je ne vais pas mettre l'habit du tout. Hein, je vais m'habiller comme ceux qui sont des diables parce que j'ai pas le comportement. Non, au contraire, porte l'habit du moine, peut-être ça fait. Mais non, porte pas l'habit du moine. C'est un exemple que je donne à Azubillah. Mais porte l'habit des gens qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et habille-toi comme eux et suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être qu'en le faisant, ça va t'encourager et t'inciter à essayer de les imiter et d'être comme eux dans ton comportement et dans tes actions et dans tes paroles et à t'écarter justement des péchés par la suite petit à petit. Hein. Donc tout ça c'est par rapport à ce que l'autre avait raconté de ces soi-disant mises en scène et tout là. La question de l'apparence aujourd'hui, c'est comme s'il y en a certains qui essaient de limiter son importance. Mais pourtant, quand on regarde bien comme il faut, le prophète il a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ». Ça c'est un hadith, on n'entend jamais ces gens-là le mentionner. Quiconque ressemble à un peuple, il est un des leurs. Et tu vas jamais voir un kafir, que ce soit un Canadien, un Français ou un autre parmi les Occidentaux, et parmi les autres peuples également, essayer de s'habiller comme un musulman, et de porter les vêtements des musulmans. Pourquoi? Parce que, pour eux, il n'y a aucun intérêt pour eux d'essayer de s'habiller comme ça. Hein? Et comme j'ai expliqué plusieurs fois, maintenant tu vois un Chinois s'habiller comme un Américain, tu vois un Africain s'habiller comme un Américain, tu vois un Arabe s'habiller comme un Américain, c'est pas juste les musulmans qui essaient d'imiter ce mode de vie, c'est tous les peuples sur la terre maintenant qui prennent ce modèle-là comme si c'est le modèle à suivre. Et donc, non seulement sur le plan de la religion musulmane, même sur le plan, disons, de tous les peuples, sur la tête de tous les pays, différentes cultures, tout le monde essaie de quitter leur culture qu'ils ont pour essayer de suivre la culture d'un seul peuple. Et les musulmans, eux, ils rentrent là-dedans. Ils rentrent dans cette vague, dans la même vague. Hein. Et puis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Et toi, tu dois te dire en toi-même, ben, nous, si on est, si par exemple, on a notre culture, par exemple, on est des gens de différentes origines, de différents pays, même si tu es français, même si tu es italien, même si tu es grec, même si tu es canadien, même si tu es irlandais, tu es d'origine occidentale, tu viens d'un pays de l'Occident où les gens d'origine sont des chrétiens ou des juifs. Est-ce que ça veut dire que lorsque tu te convertis, tu vas suivre le même mode de vie que celui que tu suivais avant l'islam? Tu vas continuer à t'habiller comme les gens qui étaient de ton origine, hein, comme si les koufars, chrétiens ou juifs? Non! Parce que maintenant tu deviens musulman, tu dois te distinguer des koufars et tu dois essayer de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et t'écarter de ce qui est haram dans leur façon de s'habiller et d'imiter l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est ordonné. On va continuer après, si tu as des questions, on les garde pour la suite. C'est pas 10 ans après que tu t'es converti que tu dois commencer à savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce que tu dois suivre comme règle vestimentaire dans l'islam, mais c'est quand tu te convertis qu'on doit te l'expliquer pour que tu le saches par la suite pour être capable de le suivre. Donc le cheikh il dit maintenant le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre. قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. le verset qui est mentionné, c'est le verset dans Surat Al-Kahf. Okay, à la fin de la Surah, il y a un verset qui dit, dit « Ô Muhammad, je ne suis qu'un homme comme vous, hein, on m'a révélé qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, ou bien plutôt on m'a révélé que votre divinité est une divinité unique, c'est-à-dire c'est que vous devez uniquement adorer lui seul, et qu'il est unique. » Et le verset au complet, le chef Al-Fawzan, il le mentionne. Il dit فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La suite du verset c'est et quiconque espère hein, la rencontre de son Seigneur alors qu'il fasse une bonne action, une action qui est saliha et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur ou personne dans l'adoration de son Seigneur. Après le cheikh il dit فهذه الآية في ختام سورة الكهف. C'est le dernier verset dans sourate Kahf. Ok, la caverne. Après le cheikh il dit qul, il explique que c'est amrullah nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yaqula lin nas innama ana basharun farrasul sallallahu alayhi wa sallam bashar wa kullu rusul min al bashar farrusul qisman rusul min al malaika wa rusul min al bashar kama qala ta'ala allahu yastafi min al malaikati rusulan min al wa min al nas فالرسل من الملائكة يكونون واثقة بين الله وبين الرسل من البشر لأن البشر لا يثيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية وإنما يثيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى البشر لأن هذا مقتضى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن هذا مقتضى رحمته لأن هذا مقتضى رحمته بعباده من أجل أن يفقهوا عنهم ويتعلموا منهم ويألفوهم ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهم لأن سورة الملك مخالفة لسورة البشر. Donc, le cheikh, il dit que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens qu'il est uniquement un être humain. Qu'il n'est qu'un être humain. Donc, le cheikh explique que tous les messagers sont des êtres humains, sont parmi les hommes. Et ensuite, il dit que les messagers sont de deux catégories. Il y a des messagers parmi les anges et il y a des messagers parmi les hommes. Et il mentionne le verset 75 dans Surat Al-Hajj, qui justifie ça, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les anges et parmi les hommes des messagers. Les messagers qui sont parmi les anges sont des intermédiaires entre Allah et les messagers parmi les hommes. Parce que les êtres humains ne peuvent pas supporter, disons, de rencontrer les anges et de les voir dans leur apparence angélique, disons, quand ils sont des en anges. Et, le cheikh, il dit qu'ils ne sont pas capable de supporter, de voir ces anges-là dans leur forme naturelle, ils peuvent uniquement supporter de voir l'apparence d'un être humain, les êtres humains qui sont comme eux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers parmi les hommes, pour les hommes. Et c'est parmi les, non, il a, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux hommes des messagers parmi les hommes. D'accord? Des messagers humains aux hommes. Et que ça, c'est ce qui implique sa miséricorde, la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Et c'est dans le but que les êtres humains puissent comprendre et apprendre et accepter plus facilement le message qu'il leur est enseigné. Si c'était des messagers parmi les anges qui venaient aux êtres humains pour leur enseigner, ils n'auraient pas pu les voir. Et bien entendu, parce que l'apparence des anges est différente de celle des êtres humains. Et aussi, comme j'ai entendu certaines explications qui disaient que par exemple, si les messagers venaient directement parler, si les anges venaient directement parler aux hommes et enseigner aux hommes les messages de Dieu, eh ben, les êtres humains pourraient utiliser comme prétexte ou comme argument pour ne pas les suivre. Nous, on ne peut pas vous suivre parce que vous êtes des anges. Et donc, vous êtes capable de suivre ces règles-là, mais nous, on n'est pas capable. Parce que vous êtes, disons, au-dessus de nous dans certains aspects, yani, du fait que c'est des règles difficiles, et vous, vous les amenez, vous êtes des anges, nous on ne peut pas les suivre parce qu'on est des êtres humains. Ils ne peuvent pas utiliser ce prétexte-là parce que les messagers sont des êtres humains, comme nous. Ensuite, le cheikh dit « Wa qawluhu innama ana basharun » يعني « Laysa li min al-rububiyya shay » « Min al-rububiyya shay » « Wala min al-ibada shay » « Ana bashar » عبد من عباد الله فهذا فيه رد على الذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله أو يقولون إنه مخلوق من نور أو من كذا وكذا ولم يخلق مما خلق منه بنو آدم وأنه مخلوق قبل آدم وهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit de, au prophète, il demande au prophète ou il commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes, je ne suis qu'un être humain. C'est-à-dire, je n'ai aucune part de la divinité et de, du contrôle de l'univers ou de quoi que ce soit de la création. Et je n'ai pas droit à l'adoration non plus. Je n'ai droit à rien de l'adoration. Hein. Je ne suis qu'un être humain. Et donc je suis un serviteur, parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc dans ça, il y a une réfutation de ceux qui ont exagéré au sujet de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son droit, en prétendant qu'il a, par exemple, qu'il était créé de lumière, hein, et non pas de la même matière que les autres êtres humains ont été créés. Parmi les soufis, il y en a qui ont prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est créé de, non pas de matière, comme nous les êtres humains, non pas de terre, mais créé de lumière, et qu'il n'avait pas d'ombre, hein, et ils appellent ça al-nur al-muhammadiyya, et ça c'est une des superstitions des soufis, ok, et ça c'est une forme d'extrémisme et d'exagération, et ils prétendent également que il était créé avant Adam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était créé avant Adam, et que Allah a créé le monde entier pour l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça fait partie des formes d'extrémisme et d'exagération des soufis envers la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il l'invoque en dehors d'Allah et il cherche le refuge en lui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des turuq comme les al-Brayluya et d'autres turuq également qui enseignent ces idées-là et qui croient en ces choses-là. La plupart des turuq y croient en ça en principe. Et vous trouvez ce genre de faux hadith-là dans les livres des soufis. Ensuite, le shaykh il dit donc que ça c'est une des plus grandes formes de kufr et d'exagération. Et il dit, ثم قال مثلكم يعني مثلكم في أمور البشرية فهو بشر يجوع ويمرض ويتعب في السفر مثل البشر وتجري عليه العوارض البشرية كما تجري على البشر فيصيبه الهم يصيبه صلى الله عليه وسلم الهم ويصيبه الحزن ويصيبه ما يصيب البشر وقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ولا تحزن عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم فهو يهتم ويحزن لما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله عز وجل لأنه يريد للناس الخير ويريد لهم النجاة فيحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم وإنما امتاز صلى الله عليه وسلم عن البشر بالرسالة والفضيلة كما وكمال العبودية لله فهو أكمل الخلق عبودية لله وأخشاهم لله وأتقاهم لله. Donc le cheikh il dit que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset مثلكم, je ne suis qu'un être humain comme vous. Mithlukum. Et le cheikh il dit que, c'est-à-dire, dans tout ce qui est rapport à l'humanité, aux caractéristiques des êtres humains. Dans le sens que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a faim, quand il ne mange pas, il a faim. Comme les êtres humains. Parfois il tombe malade. Comme les êtres humains. Comme tout le monde. Il se fatigue quand il voyage. Comme tout le monde. et tous les problèmes et les difficultés humaines, hein, et physiques et tout, ça peuvent l'atteindre, comme n'importe quel autre être humain. Hein. C'est pas comme le surhomme ou comme les koufars inventent des super-héros ou des trucs comme ça, qui ont des pouvoirs surnaturels et des forces au-delà de la force des autres êtres humains. Non, c'est des êtres humains comme les autres êtres humains. Hein. Sauf que comme le chef il va l'expliquer, ils ont certaines spécificités et certaines caractéristiques qui les distinguent. Et il mentionne des exemples, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il ressentait de la tristesse, et il avait des soucis, hein, et des tracas, des fois il avait des soucis, il avait de la tristesse aussi. Et il mentionne le verset 33 dans Surat Al-An'am, on sait certes que, Allah sallallahu alayhi wa sallam, on sait que ce qu'ils disent te rend triste, hein, les mouchriquins. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam dit également, ne sois pas triste pour eux. Et il mentionne des versets qui mentionnent également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça pesait lourd sur son cœur, sur son âme, le fait de les voir s'écarter et se détourner de la vérité. Hein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait de la peine et, disons, de la tristesse par rapport à l'attitude des mouchriquins et des koufars qui refusaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le droit chemin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le bien pour les hommes et il voulait qu'ils soient sauvés. Et ça le rendait triste de les voir se diriger vers le chemin de la perdition parce qu'il avait de l'affection pour l'humanité. Il voulait du bien pour l'humanité, contrairement à ce que les koufars prétendent. Hein, et qu'ils pensent que c'est un homme méchant et dur. Hein. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le bien pour l'humanité. Et les musulmans, c'est les gens qui veulent le meilleur pour l'humanité. Et qui veulent le bien pour l'humanité. Pour les musulmans et pour les koufars aussi. Parce qu'on veut pour eux le paradis, on veut pour eux l'islam, on veut pour eux la guidance. Hein. Tandis que les koufars, eux, ils veulent de l'humanité l'argent, c'est tout. L'intérêt matériel, hein, et rien d'autre. Le cheikh il dit إن ممتاز صلى الله عليه وسلم إن ممتاز صلى الله عليه وسلم عن البشرية عن البشر بشر بالرسالة والفضيلة وكلام العبودية لله فهو أكمل الخلق عبودية. Donc la caractéristique du prophète صلى الله عليه وسلم c'était par rapport au fait qu'il avait reçu la prophétie, le message, et qu'il avait disons le mérite et le mérite dans le sens que dans son caractère, dans son comportement et dans la perfection de son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'était la créature qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus parfaite et qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala le plus et qui avait le plus de taqwa envers Allah subhanahu wa ta'ala. Yuha ilayya min Allah صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام كغير من الرسل فكل ما جاء به من الشر فوحي من الله فهو وحي من الله. Donc يوحى إليه, c'est-à-dire on m'a révélé, c'est une révélation que j'ai reçue d'Allah سبحانه وتعالى par l'intermédiaire de Jibril comme tous les autres messagers. Et donc tout ce que j'ai reçu comme législation ou loi ou règle, c'est une révélation divine. C'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? إنما إلهكم إله واحد يعني معبودكم بحق فإله معناه المعبود. C'est-à-dire votre divinité, celui qui mérite vraiment l'adoration, en toute vérité, c'est un Dieu unique, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, en arabe, le mot ilah, ça signifie celui qui est adoré. Al-ilah, c'est celui qui est adoré. Ou tout ce qui est adoré. D'accord? Donc, en arabe, ilah, c'est quelque chose que les gens adorent. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le soleil, ça peut être la lune, ça peut être une roche, ça peut être une pierre, ça peut être une tombe, ça peut être n'importe quoi. Le mot ilah, n'importe quoi que les gens adorent, on l'appelle ilah. en arabe. D'accord? Et Allah, il nous dit que parmi tout ce qui existe, que les gens adorent, le seul qui mérite d'être adoré, parmi toutes ces choses-là que les hommes adorent, le seul qui mérite réellement l'adoration, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous les autres ne méritent rien de l'adoration, parce qu'ils ne possèdent pas les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de perfection. Donc c'est ça, Al-Ilah, c'est Al-Ma'boud, c'est-à-dire qu'est-ce qui est adoré. Donc le Cheikh il dit, وَالْمَعْبُودُ بِحَقِّ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَمَا سِوَاهُ فهو معبود بالباطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فهذا فيه أن زبدة رسالة الرسل وأصل دين الرسل والذي جاء به وبدأ به هو التوحيد والإنذار عن الشرك وكل الرسل وكذلك أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان أن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض وهذا كلام محدث باطل فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى donc le cheikh il dit que المعبود celui qui mérite réellement d'être adoré c'est Allah سبحانه وتعالى c'est lui seul. Et tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors de lui, c'est faux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 de la sourate Al-Hajj. Et cela parce que Allah, c'est lui la vérité. Et ce qu'ils adorent ou qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Ou c'est le mensonge ou la fausseté. Et ça, en même temps, ça me rappelle les gens qui, disaient par exemple, parce que nous, des fois, on explique que les croyants, c'est les musulmans. Al-Mu'minun, c'est les musulmans. Et il y en a d'autres qui disent, par exemple, non, mais les chrétiens, les juifs aussi sont des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils croient en quelque chose. Et donc, le fait de croire en quelque chose, c'est un croyant. Mais quand on dit dans l'islam que tu es croyant ou que tu es mu'min, ça ne veut pas dire que tu crois en quelque chose, parce que tout le monde croit en quelque chose. Les hindous, ils croient en quelque chose, les bouddhistes, ils croient en quelque chose, même les athées, ils croient en quelque chose. Mais quand tu dis dans l'islam que quelqu'un est mu'min, ou que tu es mu'min, ça veut dire que tu crois en la vérité. Si tu ne crois pas en la vérité, dans l'islam, tu n'es pas un mu'min. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve de ça, c'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Donc, ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont cru, hein, ceux qui ont mécru à Allah et qui ont cru au mensonge, cela, ça les perdant. Donc, ceux qui ont mécru à Allah et qui ont cru au bâtil, au faux, cela, ça les perdant. Donc c'est pas suffisant de juste dire que tu es qu'un croyant en quelque chose pour dire que tu es croyant. Il faut que tu crois à la vérité. Et si tu crois pas à la vérité, tu es un kafir même si tu crois en quelque chose. Hein? Donc c'est pas suffisant juste de dire je crois en quelque chose, une chose quelconque, n'importe quoi, tu es un croyant. Non, il faut que tu crois en l'islam, il faut que tu crois en Coran, il faut que tu crois en la sunna, il faut que tu crois en le tawhid et que tu rejettes le coffre et le shirk, et que tu refuses de croire en ces choses-là. Bon, ensuite le shirk il dit que, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cette caractéristique-là dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est qu'un être humain excepté qu'il a reçu une révélation, et c'est de dire aux hommes que votre divinité est une divinité unique. Le shirk il dit pourquoi il mentionne ça, c'est parce que ça là, ce point-là, le tawhid, c'est, disons, le beurre, ou bien la crème de ce que les prophètes ont enseigné. Hein? Les prophètes d'Allah ont enseigné aux êtres humains tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Tout ce qu'ils doivent savoir pour vivre bien. Mais la crème de ce qu'ils ont enseigné, le meilleur de ce qu'ils ont enseigné, c'est le tawhid. Donc, ils se limitent à mentionner cet aspect-là. Pour faire comprendre que, en fait, c'est la base du messager de tous les c'est la base du message de tous les messagers et c'est par ça que tous les messagers ont commencé leur appel et leur invitation c'est au tawhid et de rejeter le shirk et il y a dans ça la réputation de ceux qui disent à notre époque que les messagers sont venus juste pour appliquer la souveraineté d'Allah sur la terre ou la souveraineté sur la terre c'est pas vrai ils sont pas juste venus pour ça les prophètes ils sont venus principalement comme le cheikh le dit pour établir l'adoration d'Allah et pour rejeter toutes les formes de shirk qui sont faits dans l'adoration par rapport aux gens qui adorent autre que Allah. Donc il dit que ça c'est une fausse parole de leur part, ceux qui disent que les prophètes sont venus juste pour établir le jugement et la loi d'Allah sur terre, ou la souveraineté d'Allah sur terre. Ils sont pas venus juste pour ça, ils sont venus également, principalement c'est pour l'adoration d'Allah, premièrement, pour que Allah soit adoré lui seul et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah soit renié et rejeté. Et il mentionne une série de versets qui prouvent ça. Il mentionne par exemple le verset 36 dans sourate An-Nahl. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا هو الذي جاءت به الرسل ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية أما أن تجعل هذا الأصل فهذا باطل وهذا معناه إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه وأن الرسل جاءوا لطلب الحكم والرئاسة. Donc le Cheikh explique que la preuve du fait qu'ils ne sont pas venus juste pour établir qu'est-ce qu'on appelle al-hakimiyya, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir puis diriger et établir la loi, les lois de Dieu sur la terre. Ils ne sont pas juste venus ça, pour ça, et c'est pas ça la base de leur message. La base de leur message, c'est d'établir l'adoration pour Allah seul et de rejeter le shirk. Et la preuve de ça, c'est le verset par exemple 36 dans sourate An-Nahl qui dit « Nous avons certes fait susciter dans toutes les nations des messagers pour dire aux hommes « Adorez Allah et écartez-vous du ta'arout » et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Et le verset 36 dans sourate An-Nisa « Adorez Allah et ne lui associez rien dans l'adoration. » Et le verset 25 dans sourate Al-Anbiya et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté en disant par exemple excepté qu'ils ont dit à leur peuple ou excepté qu'on leur a révélé de dire yani qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça aux messagers et il ordonne aux hommes d'appeler, aux messagers d'appeler les hommes à ça. Et donc, ça c'est la base de ce que les messagers ont amené. Et c'est avec ça qu'ils sont venus. Et tout le reste des ordres et des commandements de la religion, et donc parmi ces ordres et ces règles-là également, il y a le principe de al-hakimiyya, ou bien le fait de chercher d'établir la souveraineté et les règles et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre et de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça fait partie des ordres et de la religion et des principes de la religion, mais c'est pas la base de la religion. Et de prendre la question de hakimiyya, du jugement et de la loi et du pouvoir sur la terre, et de faire de ça la base de la religion, ça c'est quelque chose de faux. Et ça veut dire qu'on néglige le tawhid et on néglige l'ordre d'adorer Allah seul et de combattre le shirk, et qu'on ne s'y attarde pas et qu'on ne s'y retourne pas. Et c'est d'essayer de prétendre que les messagers sont uniquement venus pour chercher le pouvoir et la gouvernance. Et ça c'est faux. Et le cheikh m'explique en fait ça pourquoi. Parce qu'il y a des groupes de gens aujourd'hui qui basent leur da'wah uniquement sur cet aspect-là de la religion. Soi-disant, ils prétendent que le but de l'islam c'est d'établir le gouvernement islamique sur la terre et d'établir le pouvoir islamique sur la terre, et que il faut prendre le pouvoir à tout prix pour pouvoir établir la charia et établir le jugement de la charia sur la terre. Et ils négligent le tawhid, ils ne parlent jamais du shirk, ils ne parlent jamais contre le shirk, ils expliquent jamais aux gens le tawhid, ils se concentrent juste sur les dirigeants et le pouvoir, et ils font juste faire le takfir et de critiquer les gouvernements et critiquer les dirigeants, comme ceux qu'on appelle les Sururiyas, le groupe des Ikhwan version saoudienne, qui se prétendent salafis, mais qui en même temps n'ont rien à voir avec les salafis. Tu les vois avec la barbe, tu les vois avec le qamis et une taqiyya, un chapeau sur la tête, et tu les vois parler de l'islam comme si tu dirais que c'est des salafis. Hein, ils rejettent les bid'ah, ils parlent de tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma al-sifat et tout. Hein, ils parlent dans la aqidah, tu dirais que c'est des salafis. Sauf que dans la question des, qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid, ils se concentrent uniquement sur al-hakimiyya. Ils se concentrent uniquement sur le gouvernement et les dirigeants et les pouvoirs. Et ils se concentrent juste là-dessus. Et ils font le takfir des gouvernements. Et ils parlent uniquement de cette question-là. Ils se concentrent presque seulement là-dessus. Et ils se disent salafis alors que ils sont sur la voie des khawarij là-dessus. Donc ça, c'est des gens comme ça. Il faut faire attention parce qu'ils appellent à la bid'a. Et ils se disent salafi. Hein? Bien sûr que c'est dangereux. Et les ulama, ils ont écrit des livres sur ces gens-là. Hein? C'est la, une version saoudienne. Un livre qu'on a conseillé là-dessus, en français, en arabe. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ben, il y a le livre Madarik al-Nazar fi Siyasa, du Cheikh Abdel Malik Ramadani, qui clarifie cette question-là, qui parle beaucoup de ça. Il y a un livre écrit, il y a une cassette du Cheikh Moukbel qui s'appelle Hadi Souriya Fahdarouha. Il y a un livre qui a été écrit, regarde, je l'ai à la maison, mais je ne me rappelle plus si c'est le Cheikh Yahya Al-Hajouri ou bien Cheikh, un des Mashaykh qui l'a écrit. En tout cas, il y a plusieurs rasa et des livres qui ont été écrits là-dessus. Et Soururi, il les appelle comme ça, pourquoi? Parce que c'est Mohammed bin Abidin Sourour, celui qui est en Angleterre. Lui, il est en Arabie Saoudite, il est d'origine syrienne, il a quitté l'Arabie Saoudite, il a fait le hijra, soi-disant, en Angleterre, et il a quitté le pays du Tawhid pour aller vivre là-bas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un magazine qui s'appelle As-Sunna et Al-Bayan, et il commence à attaquer les gouvernements, puis à critiquer, puis à parler de ces choses-là uniquement. Puis il y a des groupes à Montréal qui suivent cette tendance-là, puis dans d'autres villes également, et en France aussi il y en a beaucoup comme ça, et ailleurs aussi dans d'autres pays, mais c'est des Saoudiens, et des maintenant il n'y a pas seulement des Saoudiens, mais il y a des Saoudiens qui sont avec eux, comme Salman, Safar, et cette tendance-là, là. Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni, et la clique-là qui sont avec eux, et yani, c'est des Ikhwan, mais yani, ils ont les vêtements des salafis. Hein, et ils sont très dangereux parce qu'ils font beaucoup de choubouhats et ils trompent beaucoup les gens. Hein, mais ils se concentrent sur le takfir et sur les hukam et toutes ces choses-là. Et ils se disent salafis. Alors qu'ils n'ont rien à voir. Et ils critiquent les ulama, ils les dénigrent, ils les abaissent. Hein, et ils prétendent qu'ils les aiment et qu'ils les respectent. Alors qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas la réalité de le monde actuel et tout ça et tout ça. Donc c'est pour ça que le cheikh mentionne ce point-là pour faire attention, pour dire écoutez ces gens-là, il faut s'en méfier parce qu'ils ne parlent pas de tawhid, ils parlent juste de gouvernement, puis pouvoir, puis des trucs de ce genre. Hein? Donc faites attention à ça. Et ensuite le cheikh il dit « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو مَعْنَهُ يَخْشَى وَيَخَافُ » وقال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان يرجو لقاء ربه أي يؤمل رؤية الله يوم القيامة لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة. Donc le cheikh explique la suite du verset qui dit فمن كان يرجو. Donc, quiconque espère hein, la rencontre de son Seigneur, ça c'est le verset de Sourate Al-Kahf qu'on lit, qu'on explique depuis tout à l'heure, et ça veut dire, quiconque espère, ça veut dire quiconque craint, hein, quiconque craint, espère, ça veut dire il craint la rencontre de son Seigneur, et Ibn Taymiyyah a expliqué ce que ça veut dire, il a dit, quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, ça veut dire craint la rencontre de son Seigneur, et qui espère voir Allah au jugement dernier, parce qu'il dit que les croyants vont voir Allah au jour de la résurrection, et ils vont ressentir en le voyant un délice est un plaisir qui dépasse tous les plaisirs que les croyants vont ressentir par rapport aux délices du paradis. C'est-à-dire parmi tous les délices du paradis, il n'y en aura pas un qui va égaler le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Bon. C'est-à-dire dans le paradis, bien sûr, parce que c'est le plus grand plaisir. Mais au jour de la résurrection, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les croyants vont voir Allah, et il y a une différence d'opinion au sujet du fait que est-ce que les koufars vont voir Allah et les munafiqins. Il y en a qui disent non, ils ne vont pas le voir. En fait, il y a trois opinions à ce sujet-là. Il y a ceux qui disent qu'ils ne vont pas le voir du tout. Il y en a des ulama qui ont dit non, ils vont le voir au début, puis après ils vont être voilés, ils ne pourront plus jamais le revoir. Et il y en a qui disent que ils vont le voir, en tout cas, il y a des explications que c'est juste les croyants qui vont le voir. Mais il y en a qui disent que ça va être une punition pour les munafiqines et pour les koufars, qu'ils vont le voir, puis après ils vont être privés de le voir par la suite, et donc ils vont souffrir de ça. Ils vont en souffrir, et ça va être, en fait, d'après ce que j'ai entendu parmi les paroles des ulama, ça va être parmi la plus grosse douleur qu'ils vont ressentir dans l'enfer. Ils n'auront pas une souffrance plus grande que la souffrance qu'ils ont d'être privés du plaisir de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, oui, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils vont voir Allah comme on voit la lune lorsqu'elle est pleine, dans une nuit claire sans nuage. Non, non, au jour de la résurrection, oui, ils vont le voir Allah subhanahu wa ta'ala. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سورة القيامة لا ريزوركسيون. أنسيت لشيخ الذي فليعمل عملا صالحا لأنه لا يمكن أن تحصل هذه الرؤية إلا لمن عمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر شرط فيه شرطان. فالشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى من الرياء والسمعة ومن جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدع والمحدثات والخرافات. أما إن اختل شرط من هذين الشرطين فليس عملا صالحا، وإما هو عمل باطل فليس عملا صالحا، وإما هو عمل باطل، وإنما هو عمل باطل. فإن اختل الشرط الأول صار العمل حابطا لما دخله من الشرك، وإن اختل الشرط الثاني صار بدعا ومحدثات ومخالفات، فهو مردود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc le cheikh explique pour terminer, donc quiconque espère la rencontre de son Seigneur ou crée la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action. Le cheikh explique que ça veut dire que tu peux pas arriver à voir la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si tu fais une action qui est saliha. Et une action qui est saliha, pour qu'elle soit une action qui est bonne, il faut qu'elle ait deux conditions. La première condition, c'est qu'elle soit faite purement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, et qu'il n'y ait dedans, dans cette action, aucune forme de riya et aucune forme de sum'a. Et toutes les formes, donc elle doit être, cette action, exempte de toute forme de shirk mineur ou majeur. Et deuxième condition, il faut que cette action soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle soit exempte de toute forme de bid'ah. Il faut qu'elle soit exempte de toute forme d'innovation, et de choses inventées, de superstitions. Et le cheikh il dit que si ton action manque une de ces deux conditions-là, alors elle n'est pas une action qui est saliha, elle n'est pas bonne, et elle est une action qui est fausse et qui est nulle. Et si c'est la première condition qui n'est pas là, cette action-là, elle est fausse, elle est détruite. Pourquoi? Parce qu'il y a du shirk dedans, soit du shirk majeur ou mineur. Et si c'est la deuxième condition qui n'a pas été respectée, alors c'est-à-dire qu'elle n'est pas en accord avec la sunna, donc dans ce cas-là, c'est une forme de bid'a, mais c'est une innovation, hein, et c'est en contradiction donc avec la sunna et avec l'islam, et donc c'est une action qui est rejetée. À cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera refusée ou rejetée. Et dans une autre narration, quiconque invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Donc on va s'arrêter ici, et puis on va continuer inshallah demain inshallah. Donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.